Ils revenaient en se tenant les deux mains, quand soudain, à travers les arbres, ils aperçurent sur la rivière le canot monté par les quatre femmes. La grosse Pauline aussi les vit, car elle se redressa, en voyant à Madeleine des baisers. Puis elle cria « À ce soir !» Madeleine répondit « À ce soir !» Paul crut sentir soudain son cœur enveloppé de glace. Ils rentrèrent pour dîner. Ils s'installèrent sous une des tonnelles au bord de l'eau et se mirent à manger en silence. Quand la nuit fut venue, on apporta une bougie, enfermée dans un globe de verre qui les éclairait d'une lueur faible et vacillante. Et l'on entendait à tout moment les explosions de cris des canotiers dans la grande salle du premier. Vers le dessert, Paul, prenant tendrement la main de Madeleine, lui dit « Je me sens très fatigué, ma mignonne. Si tu veux, nous nous coucherons de bonne heure. » Mais elle avait compris la ruse et elle lui lança ce regard énigmatique, ce regard perfidie qui apparaît si vite au fond de l'œil de la femme. Puis, après avoir réfléchi, elle répondit « Tu te coucheras si tu veux. Moi, j'ai promis d'aller au bal de la grenouillère. » Il eut un sourire lamentable, un de ces sourires dont on voile les plus horribles souffrances. Mais il répondit d'un ton caressant et navré « Si tu étais bien gentille, nous resterions tous les deux. » Elle fit non de la tête, sans ouvrir la bouche. Il insista « T'en prie, ma bichette. » Alors, elle rompit brusquement. « Tu sais ce que je t'ai dit. Si tu n'es pas content, la porte est ouverte. On ne te retient pas. Quant à moi, j'ai promis. J'irai. » Il posa ses deux coudes sur la table, enferma son front dans ses mains et resta là, rêvant douloureusement. Les canotiers redescendirent en braillant toujours. Ils repartaient dans leur yole pour le bal de la grenouillère. Madeleine dit à Paul « Si tu n'y viens pas, décide-toi. Je demanderai à un de ces messieurs de me conduire. » Paul se leva. « Allons, » murmura-t-il. Et ils partirent.